soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce mercredi 31 juillet 2024. Et oui, quelle surprise de se retrouver en ce dernier jour de juillet et aller pour tout vous dire véritablement le dernier rendez-vous direct live de ce programme des sons sensibles en formule estivale, festival, forestival, à quelques jours de l'ouverture de cette 18e édition de ce forestival qui va s'ouvrir donc ce vendredi 2 août, 3 et 4 août. Alors on en a déjà parlé ce début de semaine, mais l'occasion de revenir finalement sur cet événement aujourd'hui avec une belle proposition parce que en finalement replongeant aussi dans nos archives et dans mes archives, petit nettoyage d'été, vous le savez, on profite aussi de cette période. Eh bien, je suis retombé sur une interview d'un artiste local qui était programmé sur la 17e édition, c'est-à-dire le Forestival 2023 de Zedjun Pavarotti. Alors, l'occasion, eh bien, de vous la proposer parce que je ne l'avais pas diffusée, l'occasion de faire un petit focus programmation locale, justement, à la fois dans le cadre du Forestival et puis d'autres rendez-vous attendus également dans la région. Voilà le principal menu contenu de ce programme aujourd'hui, donc focus local, interview de Zedjun Pavarotti, et puis vous retrouverez encore, parce que ben, autre archive et l'occasion de redonner un petit coup de projecteur sur ce Forestival 2024. On a largement parlé de cette formation sur notre antenne Komodrag and the Mudodor. Alors on va prendre la direction de la Bretagne, du Finistère, avec cette belle formation. Ils sont 7 voire plus sur scène. Ils vont se produire ce dimanche 4 août sur la scène pleine du Forestival. Et là aussi, eh bien, ces artistes, ce groupe-là, avaient sorti un album, premier album à l'automne 2023, le 20 octobre précisément, chez Dionysac Records, Greenfields of Armorica. Et oui, beau jeu de mots pour ce groupe originaire là-haut de Bretagne et de Douarnenez pour être exact. Eh bien, nous avions présenté, diffusé, annoncé cet album qui était alors en partenariat renforcé Ferrarock. Voilà, bah, l'occasion de retrouver aussi cette interview rencontre auprès de Komodrag and the Mulodor à l'occasion de leur venue ici dans le Forez cette fin de semaine et ce week-end dans le cadre du Forestival. Voilà, cette fois vous savez tout sur la programmation de ce programme des sons sensibles, actualité, focus culturel et musical, vous l'avez compris. Alors on va prendre doucement la direction du Forez. Forestival en l'occurrence, mais auparavant voilà quelques petites étapes et on va aussi profiter de la canicule ou météo actuelle pour nous arrêter du côté du château de Goutelat qui est basé du côté de Feur, donc on n'est pas très loin encore de Trelin, avec une association estivale, c'est une habitude, entre le château du Rosier et le château de Goutelat, qui lui est à Marcoux. Depuis 2020, ces deux structures, finalement ces deux châteaux, et oui, s'associent pour proposer des soirées-concerts. Panorama, c'est une programmation qui s'ouvre à 180 degrés comme ça sur les paysages musicaux actuels. Eh bien, le château de Goutelat va proposer son dernier concert d'été avant d'autres rendez-vous, avec un concert attendu ce 1er août. C'est donc ce jeudi à partir de 20h30, avec les Pitons de la Fournaise. C'est un groupe qui, comme ça, mêle style traditionnel et populaire de l'océan Indien, instruments traditionnels aussi, rythme éclectique, électrique, maloya et autres esthétiques associées au sein de cette formation que l'on connaît très bien parce que signé sur un label dont on vous a déjà beaucoup parlé sur notre antenne, il s'agit de Catapult Records, qui a été fondé fin des années 2000 par toute une clique que l'on connaît bien sur cette antenne. Je pense à Graham Mouchnik, que vous connaissez peut-être en tant que DJ sévissant et a sévi quelque peu sur la scène locale et sur cette antenne au sein du Bandy Road, ce programme qu'on vous a proposé durant plusieurs saisons. Et bien voilà, signé sur ce label qui a signé bien plein de formations que l'on connaît aussi sur cette antenne, Graham Mouchnik certes, mais aussi les Slow Sloshy Boys, également Deria Yeldirim et groupe Simsek, orchestre de Montplaisant. Et donc les Pitons de la Fournaise, que je vais donc vous proposer de découvrir ou redécouvrir avec un titre que j'ai sélectionné là plutôt instrumental, Sega Yamrosat, si je prononce à peu près correctement. Voilà pour les Pitons de la Fournaise, donc qui est en concert, qui sont en concert ce jeudi 1er août à partir de 20h30. C'est en plein air, bien sûr. C'est le quatrième concert de ce, on va dire, dispositif panorama. Et ça se jouera donc au château du Goutelas, sur la commune de Marcoux, dans le Forez, bien entendu. Bah, des sons sensibles. Chaudement, c'est parti. De la Fournaise, donc signature Catapult Records, on est voilà, pas très loin entre ici et certes La Réunion, mais pas que, et puis Chambéry bien sûr, parce que c'est aussi un petit peu le QG de ses activités, de ses formations, c'est aussi Larsen Studio, Larsen Records, Catapult Records, et donc tous ces groupes dont je vous parlait. Derrière, il y a le Dirim Group, Simsek, Slow, Sloshy Boys, Kumbaya, Gram Mouchnik, et donc les Pitons de la Fournaise, surtout en concert. C'était ça l'actualité à vous faire part, en concert donc ce 1er août, ce jeudi à partir de 20h30, pour boucler ces concerts panorama, concerts plein air du côté du château de Goutla. Donc c'est à partir de 20h30 au château de Goutla, près de Boin, là-bas, commune du Forêt, sur la commune de Marcoux, plus spécifiquement, avec des beaux, d'abord un bel environnement, un beau château certes, mais aussi bistrot d'été, food truck sur place, etc. De quoi passer un beau moment pour ce dernier concert sur Goutla, avant d'autres rencontres plus folkloriques d'ailleurs, en danse et autres, fin août prochain. Et puis, je le disais, Panorama, c'est une programmation entre Château de Goutla et Château du Rosier, qui lui est basé à Feur, une autre salle finalement aussi et lieu culturel, qui propose là aussi des soirées-concerts. Et pour la prochaine, au Château du Rosier, ce sera le 10 août, avec Pidi Simf et Yovo Zem. On est là aussi dans d'autres traditions et d'autres ambiances musicales. Ce sera le 10 août, à partir de 20h. Focus local, programmation estivale dans ce programme des Sons Sensibles, je le disais, avant de prendre la direction du Forestival. Vous annoncez aussi d'autres petites choses qui se passent localement. Eh bien, tout d'abord, vous le savez, il y a nos guinguettes aussi, Stéphane, les Biforts de Courriot, parc Joseph Sangdols, autrement dit le parc musée de la mine de Saint-Étienne, en concert et animation tout l'été, entrée gratuite jusqu'au 6 septembre prochain. De beaux rendez-vous encore qui vous attendent avec cette programmation chargée jusqu'à début septembre. Allez checker cette programmation que vous trouverez facilement ici et là, et vous annoncez par exemple du jazz attendu ce mercredi 31 juillet avec Fabrice Laurent, Latin Trio, Courriot en jazz donc, en partenariat avec l'association Gaga Jazz et la salle dédiée stéphanoise, le Solar bien entendu, et puis du reggae davantage avec Roots to Dub, Garania Frequency au Before du Puy Courriot. C'est par exemple ce jeudi à partir de 18h avec donc Carl Beckett, Paquito Selecta, Gadgeto Yoshi, bref, il y aura du bon son et des bonnes galettes à se mettre entre les oreilles, notamment Roots, Rocksteady, Reggae, Dub et j'en passe, en mix vinyle attendu ce 1er août à partir de 18h. Et puis ça va se poursuivre encore toute cette fin de semaine. Et puis, à Saint-Étienne encore, que se passe-t-il actuellement? Eh bien, beaucoup de choses, et vous l'avez sans nul doute constaté en étant notamment du côté du cœur de ville stéphanois, avec cet événement également sportif qui se déroule actuellement. Voilà, et c'est bien entendu les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et il y a donc Place Jean Jaurès, et à cette occasion, ce club 2024 qui a été installé depuis quelques jours déjà maintenant, depuis le début de ces JO. Et on arrive aujourd'hui au dernier jour, voilà, ce 31 juillet. Alors peut-être soulagement pour certains riverains, riveraines, mais en tout cas, c'est encore une expérience à vivre aujourd'hui à l'occasion de ces donc Jeux Olympiques, avec des retransmissions d'épreuves, des spectacles en déambulation, des concerts, buvettes, initiations sportive et autres animations, bref, qui se déroule dans ce club 2024 Place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Et pour ce dernier jour, en ce mercredi 31 juillet, ça a commencé cette fin de matinée avec le spectacle Ce n'est pas commode par la compagnie À Tiroir, des animations sportives, un autre spectacle avec la compagnie JDD qui est attendu, Cyclo Toupie, c'est entre 13 et 19h cet après-midi, le spectacle Pomme d'amour par la compagnie Magali Le Sueur à partir de 14h, il y aura un spectacle jeune public en fin d'après-midi vers 16h, La Vache qui Rock. Et puis en soirée, il y aura bien sûr une épreuve sportive et ce dernier match qui va se dérouler à Geoffroy Guichard. C'est le match de football féminin Zambie-Allemagne. Ce sera entre 19 et 21h. Donc retransmission Place Jean Jaurès et match à Geoffroy Guichard. Bref, la ville va être animé, c'est certain. Et puis, avant match, un spectacle jeune public encore avec les Vauriens de la Galaxie à partir de 18h, où on retrouve notamment celui qui fait aussi bonne figure au sein d'un autre projet musical. Je pense à Pampy, bien sûr, MC Pampy, qui lui sera en concert after match, sans doute pour aussi donner quelques éléments de commentaires de ce match Zambie-Allemagne, lui qui est spécialisé bien sûr dans le foot stéphanois. MC Pampy à partir de 21h, donc sur ce club 2024 Place Jean Jaurès, et on va en reparler parce qu'il est aussi programmée cette fin de semaine dans le cadre du Forestival. Mais on en parle d'ici un instant. Ça, c'était pour vous annoncer ce dernier jour de programmation stéphanoise Club 2024 dans le cadre de ces JO. En attendant la poursuite de ce club qui va se poursuivre en itinérance en ce dernier jour 31 juillet début août. Ce sera sur d'autres communes, Fraisse, Saint-Paul-en-Jarret, Chambœuf, jusqu'au 11 août au prochain. Et puis il y aura un retour puisqu'il y a les Jeux Paralympiques et ce sera à Saint-Étienne du 4 au 8 septembre avec encore bon nombre d'animations et autres rendez-vous prévus. On en reparlera d'ici la rentrée pour ces Jeux Paralympiques. En tout cas, on va en profiter pour écouter Pampille, lui qui fut disque de charbon à de multiples reprises, fameux commentateur sportif, sans nul doute très satisfait de la remontée en Ligue 1 du club stéphanois. Mais on va rester du côté de la musique, si vous le voulez bien, prendre la direction du Forêt tranquillement, entre Saint-Étienne et Trelin notamment. On en reparle d'ici un instant. MC Pampy programmé ce soir 21h place Jean Jaurès, avant de le retrouver cette fin de semaine au Forestival. En attendant, on prend tranquillement la direction donc du Forez et notamment Côte du Forez avec ce Wesh Côte du Forez avec Pampy, bien entendu, issu de son album Sur le banc de touche. Alain, je veux bien écrire un truc, mais j'ai pas d'idée. Et alors, t'écris bien ce que tu veux. Regarde, je scratche bien. Calme, chatouille. Dans le conny, connu, c'est funny sous le Bobby ou Shifumi, j'ai des cailloux. Aïou, aïou, aïou. Street Fighter père et mes tirs sur mon doigt, j'me la pète. La pète au schnock, t'as de la schneck, on fait un schmelblick. Désespérant comme une saison, l'inspecteur Eric. Eric et Ramsey, la tour Montparnasse infernol. Fistinière et pleugonol. Morceau bien barré comme Stivo. Ambiance barbecue, chips Codigo. On dit pas des rivals, mais des rivaux. Pour me la péter, shit Marivo. Yoda pour le Royal, dirait bien je vaux. Station sur la ligne 9, la croix de Chabot. En portugais grand-père, ça se dit à vous. Les créateurs du Pontel, les bouseux, Kenambou. T'as voulu faire le médisant, mon gars. Mais moi avec ma gang, on est surpuissant. Tu vas être en souffrance avec mon texte bien frappé. Et nos vers, comme de la fourme sur de la rapée. Dorénavant, tu seras méfiant. Ici, c'est la wesh code du forêt interne. Sinon, c'est perm, perm, perm dans la fessagère. Rime en avec Staxen, ce gassin. Morceau bien barré comme Stivo. Ambiance barbecue, chips Codigo. On dit pas des rivals, mais des rivaux. Pour me la péter, shit Marivo. Yoda pour le Royal, dirait bien je vaux. Station sur la ligne 9, la croix de Chabot. En portugais grand-père, ça se dit à vous. Le créateur du Pontel, les bouseux, Kenambou. La chape, l'oiseau fait son nid. Les pierres qui roulent n'amassent pas mousse. Cuit, cuit, cuit, cuit, les canaris sont cuits. Saga fricot, attention les secousses. Bien maladie, ne profite qu'à peine. Comme on fait son lit, on se couche. En forgeant, on devient forgeron de sel. Avec un épareil, tu pourrais fumer sous la douche. C'est la wesh que du forêt. C'est la wesh code du forêt. On est paré des monts blés. Wesh code, wesh code. C'est la wesh code du forêt. Wesh code, wesh code. On t'arrête là, tu me fous la lourde. Ok, j'arrête net. Morceau bien barré comme Stivo. Ambiance barbecue, chips Codigo. On dit pas des rivals, mais des rivaux. Pour me la péter, shit Marivo. Yoda pour le Royal, dirait bien je vaux. Station sur la ligne 9, la croix de Chabot. En portugais grand-père, ça se dit à vous. Le créateur du Pontel, les bouseux, Kenambou. Eh ben voilà, il est très bien ton texte. Et puis du coup, on peut garder mes scratchs. We'll be right back. Et bien voilà, wesh, Côte du Forez, avec MC Pampy, donc attendu, je le rappelle, dans le câble de ces clôtures JO 2024, Club 2024, Place Jean Jaurès, à l'issue de ce dernier match ce soir à Geoffroy Guichard, Zombie Allemagne, à 21h, concert de MC Pampy, en fermeture de cette première phase olympique, on va dire, en attendant les Jeux Paralympiques de la rentrée. Et puis donc Pampy... avec DJ Alain, qu'on vient d'entendre au Scratch, ici, bah, qui devrait aussi prendre la direction du Forêt, précisément pour cette fin de semaine, avec MC Pampy attendu ce dimanche 4 août. Ça devrait être à partir de 20h30, scène Le Bazar, dans le cadre des cartes blanches. Alain devrait également être la partie, à mon avis. C'est la carte blanche The Alex Show et The Barbecue Crew, hommage à Saint-Thé, avec MC Pampy ce dimanche. Il y a d'autres cartes blanches données dans le cadre de ce Forestival 18e édition, je vous le rappelle, qui s'ouvre donc ce vendredi 2 août, 2, 3 et 4 août à Trelin, dans le Forêt. Alors l'occasion comme ça, bien d'une envie de refaire focus certes sur le Forestival, mais aussi sur toute la programmation locale attendue. C'est aussi on va dire une scène cible, une programmation cible du Forestival. Alors on va simplement auparavant, puisqu'on parle de festival, s'écouter une petite surprise que j'ai sélectionnée ce matin à propos de Forestival, d'ambiance festival. Allez, ce petit coup d'oreille. J'aime pas les festivals, j'aime pas les festivals. Pour avoir un billet, j'ai dû remuer ciel et terre. Maintenant que je suis devant l'entrée, je veux juste appeler un Uber. Première mission sur place, retrouver tes potes. Ouais. Allô. Quoi? Vous êtes où? On est à côté des chiottes. Je trouve enfin ces chiottes et je vois qu'ils sont pas hâles. Ouais, on a changé de spot. J'aime pas les festivals, j'aime pas les festivals, j'aime pas les festivals, j'aime pas les festivals. L'année passée sapée en bombe, j'ai fini trempé. Cette année Botinkawe, il fait 38 degrés. Oh non. Pour faire comme tout le monde, moi aussi j'ai mis des paillettes. Mais avec ce soleil, je ressemble à une boule à facettes. Boule à facettes. J'en ai plein les fesses, je commence à avoir la dalle. Bisous, ici c'est Cashness. J'aime pas les festivals. Quand tu vas aux toilettes, tu dois faire la queue. Quand tu veux des frites, tu dois faire la queue. Quand tu veux une bière, tu dois faire la queue. Quand tu rentres en Luna, un mec te mord sa queue. J'aime pas les festivals, j'aime pas les festivals, j'aime pas les festivals. Faut pas que j'oublie de ramener mon putain de verre consigné. Y'a 300 000 stands de bouffe, mais j'prends tout le temps du Libanais. Ticket, assiette, canette, y'a vraiment tout qui est cher. J'arrive sur la grande scène et c'est Stéphane et Cher. Le retour est bondé, c'est l'enfer et j'rote mon moutabal. Et merde, mon gobelet, j'aime pas les festivals. J'aime pas les festivals, j'aime pas les festivals. Pour avoir un billet. Et oui, voilà. J'aime pas les festivals, ça c'est un petit coup de voilà, petit coup de blagounette. J'aime pas les festivals, ça nous vient d'une radio non pas cousine mais voisine côté suisse. On pense à Couleur 3 et on se remémore d'ailleurs aussi d'autres festivals. Et je pense à Paléo notamment qui se déroule aussi chaque fin de mois de juillet bien entendu. Et c'est Couleur 3 voilà aussi qui comme ça diffusé ce petit ce matin qui nous met dans l'ambiance en effet de festival. Et oui, faire la queue, le kawaii, les bottes, les 38 degrés, mais oui pourquoi pas. Et puis voilà, la vie de festival, bien entendu, mais que tout festivalier, festivalière digne de ce nom vit avec grand plaisir. Et bien, de festival, il va être question cette fin de semaine. Et Forestival, le Forestival 18e édition, c'est 2, 3 et 4 août. On en a parlé très largement ce début de semaine avec un entretien réalisé auprès de Loïc, coprogrammateur de ce festival. Vous avez toutes les infos, on vous le rappelle, sur forestival.com. Simplement, aujourd'hui, on voulait faire focus à nouveau sur... peut-être deux éléments de programmation. Un groupe attendu ce dimanche qui avait fait l'objet d'un partenariat Ferrarock que je vous proposerai en dernière partie de ce programme aujourd'hui, des sons sensibles sur le 895, et en première partie focus local, je le disais, et précisément avec tous ces artistes et groupes locaux qui sont programmés dans le cadre de cette 18e édition. Alors on va comme ça rapidement les énumérer avec pour exemple le duo Anome Vein qui sera de retour précisément pour l'ouverture, c'est-à-dire ce vendredi 2 août, scène Magma à partir de 22h30. Bric Argent, là aussi, programmé en ouverture à partir de 19h ce vendredi 2 août sur la scène Mont. Il y a le fameux duo qu'on a là très largement diffusé aussi sur cette antenne, originaire du nord du département, Malaka, qui se produira ce samedi 3 août, scène Magma à partir de 20h. Je pense aussi pouvoir réaliser une interview sur place, on en reparlera prochainement. Parlons d'artistes locaux ou régionaux, avec celle désormais qui dépasse sans nul doute le département du Rhône et les frontières Auvergne-Rhône-Alpine. Il s'agit de l'artiste Pomme, qui est tout de même originaire du Rhône en effet, région lyonnaise, et qui est programmé ce dimanche 4 août, scène pleine à partir de 19h37. Un autre Lyonnais, incluons-les dans cette programmation locale régionale, Bruno Over Patchworks, avec son voilà Sound System, qui collabore avec maintes artistes locaux aussi, on pense à Sir Jean et bien d'autres, qui est programmé pour Voilà Sound System ce dimanche 4 août, scène Magma à partir de 19h. Et puis on l'a évoqué tout à l'heure, MC Pompi, ce dimanche 4 août, le bazar à partir de 20h30 dans le cadre des cartes blanches. Voilà pour toute cette belle programmation, je dirais plus focus local. Et dans ce cadre-là, bien l'occasion aujourd'hui de revenir sur un autre de ces artistes locaux qui était programmé l'an dernier. On va faire comme ça transition lien entre 2023-2024. L'an dernier se produisait Zedjoun Pavarotti, l'artiste originaire de Saint-Thé, qui a aussi comme ça suivi son parcours et puis s'est installé dans différentes villes. Zedjoun alias Charlan, Zouaou Pierrot, vous allez l'entendre d'ici un instant avec son groupe Romain, Ocha, Juliette, Hugo, Lucas, guitariste, bassiste, batteur, qui l'accompagnait sur cette édition 2023 du Forestival. Alors voilà, je suis retombé sur cette interview que je ne vous avais encore pas diffusée, donc l'occasion eh bien, de l'écouter et de la découvrir aujourd'hui à l'occasion de voilà, quelques heures et quelques jours d'ouverture du Forestival 2024. Alors Zedjoun Pavarotti qui continue lui à tourner, hein. Il s'est produit par exemple là, tout récemment, c'était au Festival de la Paille le week-end passé à Métabier. Pour faire lien, on l'a évoqué en termes sportifs, Jeux Olympiques, flemme olympique absolue pour Zedjoun Pavarotti qui a représenté la ville, hein, il y a quelques jours lors de l'ouverture et du passage de cette fameuse flamme puisqu'il faisait partie des quatre porteurs, porteuses locales. Et puis en termes actualité, on va revenir sur l'artistique tout de même. Puisqu'il avait sorti donc, et nous allons reparler d'ici un instant, son dernier album encore. On va dire courant 2023, eh bien, il y a eu cette sortie cette année 2024, il y a quelques mois de cela, de la version maximale édition de ce dernier album, encore, donc une version augmentée, avec quatre nouveaux titres voilà, qui viennent compléter l'album original. Vous allez en entendre quelques extraits donc, issus de ce dernier album de Zedjoun pour ponctuer cette interview. On en reparle juste après. On va écouter cette interview, rencontre donc réalisée lors du Forestival 2023 auprès de Zedjoun Pavarotti et son groupe. Des sons sensibles, 895 Dio. C'est une très jolie soirée pour une très jolie fille qui s'appelle. Je ne réponds pas. C'est un vendredi soir dans un grand appartement et tu me parles, mais tu ne m'entends pas. L'air que tu respires pourrait me faire vivre, même au fond de l'océan. Je pourrais me mettre un autre si ça te fait. J'ai besoin de te voir demain. Alors, donc dis-moi que tu viens, jure-moi que tu restes la lumière. Baisse quand tu me regardes. faut-il devenir, dis-moi? Et que faudrait-il dire pour que tu désires un jour m'embrasser? J'ai des millions de questions que je pourrais jamais poser. Si tu continues à si bien m'oublier, l'air que tu respires pourrait me faire vivre. Besoin de te voir demain. Alors bon, on est très nombreux, on va faire un petit tour de table quand même, si vous voulez bien, pour vous présenter, parce qu'on se connaît pas tous hein, et toutes. Donc, Alors moi c'est Romain, pseudonyme Ocha, frère adoptif de Charlon, Zedune Pavarotti, travailleur et passionné avant tout. Voilà tout. À tes côtés, Charlon, Zedune Pavarotti, voilà, une ordure parmi tant d'autres. Ensuite, moi Juliette, Naughty Sway, guitariste. Guitariste, tout à fait. Hugo Del Rosso, bassiste, voilà, colocataire de Lucas Terrier, batteur de son état. Alors là, il y a toute une troupe là. C'était pas, on n'était pas habitué avec Zedune de voir cette configuration là. Mais là, ça y est, tu as un orchestre. Franchement, c'est le meilleur mot, je pense. J'avoue qu'un band ou un groupe, c'est chiant. Un orchestre, c'est parfait. De philharmonie. Hein, de, ouais, c'est pas fou. Philharmonie ? Allez, on y va. C'est la philharmonie. Après, alors, vous aviez, vous, l'habitude, tous deux, hein, de travailler ensemble, et ce, depuis très très longtemps. Ocha, t'as toujours assuré le côté un peu prod, hein, pour Zedune, l'instru, etc. Donc, vous, c'est un peu une histoire de longue date. Carrément, on s'est mis en couple il y a à peu près, ça doit faire 7 ans, 6 ans, un truc comme ça, non, qu'on s'est rencontrés, ouais, pas loin. Et puis de la musique dans l'ordinateur, dans une chambre, c'est passé à échelle un peu plus étendue, avec plus d'âme dans le wagon, on va dire. Et tu te retrouves à la six cordes. Exactement, ouais. Ça a toujours été un peu un instrument que je faisais, mais là, je m'en retrouve musicien. Donc un peu illégitimement, ouais, je suis finalement plus jardinier avec ma pelle que musicien, mais je prends un malin plaisir à le faire, et puis avec surtout de très très talentueux musiciens avec nous, qui fait que ça donne une dimension aux choses, quoi. Alors on avait eu un peu peut-être pour habitude, je crois que je t'avais vu déjà sur scène, parce que Zedune a finalement assez de prestations sur localement, hein, sur Saint-Étienne, alors qu'il est de la maison quand même. Mais alors moi j'ai dû te voir quoi au Zénith, j'ai dû te voir à l'Épopée Verte, on s'était vu à l'époque, et là tu y étais. Mais voilà, c'est la chose aussi plutôt récente, mais là aussi, alors si on veut revenir un peu quand même sur les connexions, la rencontre et comment l'aventure elle se poursuit ensemble. Mm-hmm. Comment on s'est rencontrés avec Charlon? J'ai fait les Inouïs du Printemps de Bourges avec mon duo de rock à Lyon, et en fait Ganache, et on a fait les présélections ensemble et on s'est rencontrés là-bas. Et la suite, il m'a vu sur scène, il a flashé sur moi, et voilà, il m'a appelé. Sur le groupe, tu veux dire? Pas sur le groupe. Okay. Non, sur ma guitare, on va dire. Et on s'est. Il m'a proposé de travailler avec lui un an plus tard, et j'ai dit oui. Et depuis, ça fait 5 ans, 4 ans, on travaille ensemble. Voilà. sur Beaussaigne et sur le nouveau. Voilà. Et il a, ouais, j'ai pas été présélectionné, et lui, oui. Et alors pour les larrons suivants, c'est-à-dire le duo petit restant, qui cohabitent en plus ensemble ? Je suis le troisième officiellement à être arrivé dans la boucle, je crois, chronologiquement. Moi j'avais un petit groupe dans une petite ville que vous connaissez pas, je pense, qui est pas très... Non mais vous connaissez pas, ça sert à rien. Mais bon, voilà, on avait un petit succès à côté. Et on partageait le même ingé son en fait avec Zedjoun et Thomas qui est pas là. Et un jour il m'appelle, il me dit bah tu vas jouer avec Zedjoun Pavarotti. Bon d'accord, très bien, super. Il me dit dans deux semaines il y a quotidien. Voilà, donc je me suis dit ah bon, je vais peut-être bosser un peu. Voilà, petit live devant 3 millions de spectateurs. Et puis voilà, après moi j'ai emménagé avec Hugo. Charlon cherchait un bassiste, enfin ça s'est fait assez naturellement. Il fait confiance aux gens qu'il connaît, Charlon. Donc il cherche pas à faire passer des castings, des auditions et tout, c'est pas intéressant quoi. Il cherche avant tout l'humain. Et ça c'est super. Enfin c'est voilà. Donc on est devenus amis assez vite. Moi j'avais un ami en l'occurrence Hugo, je lui ai proposé, voilà, ça s'est fait comme ça quoi. De suite Hugo, humainement aussi là, du coup c'était parti. Bah je crois ouais, après c'est tout comme, enfin c'est toujours, tu rencontres des gens, faut se jauger, faire le truc et tout, de vase communicant, mais la carte de jouer l'amitié avant le côté virtuose des gens qui sélectionnent, je pense c'était juste... Enfin, il a demandé à Thomas, donc l'ingé son, un batteur. Thomas, il n'a pas hésité. Et en fait, nous, on était déjà un peu musicalement ensemble. Donc en fait, Lucas, il a dit, faut prendre Hugo. Mais après, tu sais, ça prend forcément du temps. Mais c'est la vision de faire un groupe plutôt que de faire un super groupe, quoi. C'est ça. Et en fait, au final, on est bien ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on fait de la bonne musique, je pense. Si on vous dérange, les gars, vous nous le dites de suite. Hein. Et non, mais il n'y a pas de souci. Et alors, le côté humain des choses, important, disait-il, et elle, cette nouvelle aventure par un deuxième opus, quoi, surtout, encore, ouais. Ça veut dire que toi, tu as entrepris un petit peu les choses de quelle manière ? Comment tu t'es projeté aussi ? Comment tu as appréhendé un petit peu cette nouvelle mouture, finalement aussi, nouveau projet, finalement, quelque part ? Je pense que... À la fin de Beaussaigne, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour d'un truc. En vrai, j'étais plus. J'étais pas très excité, tu vois. Genre, Beaussaigne, ça me tenait à cœur. Il y avait un côté autobiographique qui était intéressant. Il y avait un côté mémoire un peu aussi, tu vois, qui me tenait à cœur. Mais du coup, je l'ai fait avec moins de considérations musicales, enfin, moins d'interrogations musicales en tout cas. Il y a un état de flow un peu différent. Et à la sortie de Beaussaigne, je me suis dit bon, musicalement toi t'en es où? Et en fait je me faisais chier de ouf. Et est venue la question parce que c'était assez bien lancé du coup. Et puis je savais que j'avais une porte ouverte et que je savais à peu près ce qui passe pour que le cap commercial passe. Et en fait je me suis dit non, la seule chose qui a fait que ma musique a marché, c'est que je m'écoute et je veux faire autre chose, donc je fais autre chose pour moi. Ça a été aussi simple que ça. La décision est dure à prendre, mais la phrase est simple. Et ça veut dire que ce cap-là, puisque tu as l'air d'avoir de l'objectif quand même. Tu l'as passé. Il est passé selon toi? Je pense qu'il est passé. Par contre, comment dire? Je pense qu'il y avait un mur. Je suis arrivé à le casser, mais j'ai perdu des pièces un petit peu quand même. Je sais que j'ai perdu des pièces et que c'est une nouvelle aventure qui commence. Et mais c'est pas grave, tant mieux. C'est une nouvelle jeunesse, c'est cool. Voilà. J'ai l'impression de vraiment d'avoir commencé la musique il y a un an et demi, quoi. Voilà, donc c'est cool, tu vois. C'est-à-dire ? Quand j'ai la musique, bah, après, sans manque de respect aucun, mais c'est voilà, je pense que l'ouverture à tout ce qui a été pop anglaise, tout machin, voilà, c'est un puits sans fond, mais c'est un puits magnifique. Il y a un infini qui est magique là-dedans, et moi je suis à l'aise dans ce truc-là de me dire ok, les possibilités sont inendormissables entre guillemets. Mais voilà, donc j'aime bien me dire que il y a pas de limite. Puis une fois que j'ai ouvert cette case-là, en ayant fait du rap avant, en vrai là maintenant je fais ce que je veux et je pense que personne m'en voudra, tu vois. Donc c'est l'avantage. C'est ce que je voulais moi depuis le début, en vrai, quand même. Sans faire d'histoire devant les retours, j'ai perdu la mémoire comme un autre soir. Danse sur le réservoir, avale l'autre chance. Alors j'avance dans un couloir. quand même ce que tu veux, c'est quand même un projet plus collectif aujourd'hui. Ça veut dire que même pour vous, comment vous vous retrouvez aussi finalement dans ce travail-là, avec son passif aussi à lui, même si là le pied est mis dans un nouveau projet et que l'aventure est différente. Mais comment ça se passe concrètement? Parce qu'une vie de groupe, c'est autre chose. Non, franchement, pas de mépris. Surtout, surprise. Moi, je pensais que c'était un peu genre Ocha fait la musique. Et du coup, après, il y avait tout le côté identité, texte, poésie qui venait de Charlan. Et en fait, pas du tout. Il est excellent compositeur, en fait. C'est alors, tu lui donnes une guitare et il te pond des morceaux. Là, vous n'avez pas encore entendu, parce que c'est des trucs qui vont pas sortir tout de suite, quoi. Mais on répète déjà en live des morceaux qui sont hyper beaux et qui sont, tu sais, qui sont inspirés du coup de gens comme les Beatles, les Stone Roses, des trucs un peu... des gens qui cherchent des trucs, tu sais, des petits détails dans des endroits qui font que toute la chanson prend un sens. Enfin, tu sais, il y a des trucs, franchement, il y a des chansons... là, on a fait un live Instagram la dernière fois, un peu surprise et tout. J'ai reçu des messages, putain, la chanson, c'est quand même de la belle composition, quoi. Et ça, c'est une surprise. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça venant de quelqu'un qui venait de là où venait Charlan, tu vois. Et en plus de ça, il nous laisse énormément de liberté dans la composition et l'interprétation, quoi. Oui, parce que c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est-à-dire que le duo a fonctionné déjà depuis un moment. C'est à la fois eux savoir laisser la place et à la fois vous trouver votre place. Ça s'est fait très simplement. On a tous une identité, je crois, de musicien, et en fait, on arrive à l'exprimer à travers lui, et du coup, ça fait un bloc génial, alors qu'il pourrait nous brider, enfin, tu vois, et alors que pas du tout. Sans parler forcément de ça, je pense que si on arrive à... Je pense que la formule absolue, c'est que tout le monde soit absolument contenté et vive son rêve à travers... Tu sais, c'est un carrefour, quoi, tu vois, c'est en mode... Ouais, on se croise et si, voilà, si c'est parfait, il y aura une espèce d'explosion au milieu, tu vois. Donc c'est un peu l'idée, je pense que... Il faut arriver à bien ranger les choses pour que l'espace soit maximisé, mais au centre, il peut y avoir une espèce d'étincelance, quoi, tu vois. Est-ce que toi, tu as l'impression, pas de bifurcation, mais au contraire d'une véritable continuité un peu logique? Parce que finalement, même ce que tu pouvais faire dans le rap, il y avait un côté très chanson. Ouais, ouais. Il y avait un côté... Enfin, moi, qui ne me surprend pas. De ce que j'ai vu là, j'ai trouvé au contraire que, avec aussi musicalement l'instrumentation, etc., ça avait encore pris encore plus de hauteur, quoi, okay. Finalement. Est-ce que c'est juste ou... Ou est-ce qu'au contraire tu pourrais encore bifurquer et te dire là c'est un projet tu vas vite te lasser et que tu vas encore partir dans autre chose et revenir au métal ou je ne sais quoi? J'ai jamais fait le métal, Dieu merci. J'ai aimé ça, ouais. Après, est-ce que j'étais en pleine position de mes moyens? C'est à voir. Est-ce que je le suis toujours là actuellement dans l'interview? C'est à voir aussi. Non, je pense que en vrai franchement, étonnamment, je jure, j'étais vraiment... ça a été un choc de voir ça, enfin, que ça aille dans ce sens-là, parce que généralement, c'est pas ça. Moi, j'avais peur, quand même, globalement, et j'avais l'impression d'avoir fait un truc radical, un virage radical. Et en fait, je suis sûr, les gens m'ont dit que non, en fait. Non, en fait, c'est assez logique. Donc, je me rendais, je pense, pas compte de ce qu'on avait déjà, quelles graines on avait plantées, je pense, avec Ocha sur Bossen, tu vois. Parce qu'on avait beaucoup d'envie, mais peu de maîtrise. Et au final, avec la sincérité, je pense que tout passe, en vrai, tu vois. Et il faut garder ce truc-là. Bon, après, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, tu vois. C'est notre handicap et ce qui est à la fois peut-être génial, mais c'est de pas pouvoir faire semblant, je pense, j'imagine. En fait, on est des mecs extraordinaires, voilà, pas mort. Alors, l'album est sorti déjà depuis quelques semaines, c'était le début avril. Parce que là, du coup, je t'ai vu de façon assez épisodique. Là, ça en est où? Comment vous éprouvez un peu cet album? Est-ce que ça tourne beaucoup? Est-ce que vous en êtes là sur l'été, voire l'automne, fin d'année et mois à venir? Là, les prochaines échéances, c'est les transatlantiques à Saint. Après, il y a Rock en Seine. Après, je crois que sur la page festival, c'est terminé. Après, on reprend une tournée en automne où, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine de dates, un truc comme ça. On conclut avec La Cigale le 15 novembre, ce qui est pour moi quand même l'apothéose, hein. C'est extraordinaire. J'ai très très peur. C'est la fête de fin d'année, c'est le spectacle de fin d'année, quoi, quand t'es à l'école. T'as un fils qui doit connaître ça, bah je suis ton fils, voilà. Et donc il y aura tous les parents de tout le monde, enfin voilà, on va tous... Après, c'est un peu l'entame finalement des choses. Un petit peu, ouais, effectivement, sur la deuxième, surtout que sur la deuxième partie, là, jusqu'ici, on jouait une heure et des fois un peu moins, et là, on va passer à 1h15, 1h20 en général, et sur la Cigale, voire viser 1h40, 1h45, ce serait bien quand même. Et après, du coup, normalement, il y a une autre partie de tournée sur janvier. J'aimerais, a priori je pense que les choses sont écrites un peu comme ça, pour finir sur un fil quoi. Tu vois, vraiment finir la tournée sur un fil en avril 2024, ce serait bien. Et après ça, bah, faire un album de techno, hein, puis voilà. Ouais. Ok. Mais donc là tu parlais de deuxième partie, il y a déjà eu là, des dates sur le printemps, j'ai pas tellement suivi la chose. Vous l'aviez déjà, vous avez déjà beaucoup fait de scène là. Ouais. Une trentaine. Une très belle trentaine. Non, ouais, entre 20 et 30 dates, là, je pense, qui a permis de fusionner un peu avec tout le monde. Et donc là, vous êtes un peu à mi-parcours, et comment ça se passe scéniquement, là ? Vous sentez que le set est en place ? Pour vous, c'est posé, c'est... Non, un nouveau set, ce soir, on a fait un nouveau set, donc suivant les dates, on allonge, on adapte. Suivant la durée. Ouais. Là, on commence à rigoler un peu, et ce qui... Je pense que c'est bon signe, tu vois. Oui. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai plutôt l'impression que ça kiffait bien sur scène. Ouais, ouais, bah, le plaisir a l'air d'être là, quoi, de jouer ensemble, de... Ouais. Bah là, on sort des résidences, on est un peu fatigué. Ça fait 8 jours là qu'on travaille tous les jours. Donc, même moi, au niveau de la voix, c'était un peu chiant et tout, et puis tout le monde était un peu épuisé. Non, en vrai, sur la résidence, là, on a noté, et puis même, je pense, sur scène, effectivement, en fait, maintenant, on peut se permettre de réécrire un peu les règles des morceaux, et on s'en fout, tu vois. Je sais pas, à partir du moment où on s'amuse, c'est-à-dire qu'on maîtrise le truc, et ça peut devenir intéressant, on fait poursuivre des refrains, on refait des... Tu vois, on s'en fout. Quoi. C'est agréable ça à faire. Ça commence à être vivant, là, ouais. Depuis une petite dizaine de dates. Ouais. Et puis là, vivant, une grande scène quand même comme ça, sur le Forestival, c'est beau. Ouais, carrément. Et puis de passer aussi du local de répète, qui est pas forcément immense, enfin là, on était en studio en l'occurrence, mais la pièce de 25 mètres carrés qui passe à une grande scène, c'est pas le même son, c'est pas la même chose. Là, on débattait tout à l'heure avec Juliette, Hugo, Lucas, etc. Tout le monde disait qu'il y avait un truc de... Un peu de on perd ses repères, etc. sur les grosses scènes. Enfin, même sur le live, en règle générale, c'est une autre façon d'aborder la musique. Et du coup, on perd un peu nos repères. Il y a quand même une base qui est en train d'être solide, mais il y a encore des choses très aléatoires autour de tout ça. Et ça reste aussi peut-être qui tient en haleine le truc, c'est que c'est de la musique vivante avec des choses... qui sont pas figés, on n'appuie pas sur un bouton et il n'y a pas la bande qui part. Et c'est aussi excitant, hein, ce truc-là. En vrai, il y a un truc aussi, je pense, dans cette mise à l'aise qui fait que là, il y avait tellement d'éléments à mettre ensemble qui étaient inexistants avant. Tu vois, il y a eu la naissance de tout, rien n'était déjà en place. Tu vois, donc vraiment, tout est parti du niveau zéro. Et là, en fait, je pense qu'on commence à se dire, ok, on joue pas pour nous, tu vois, on joue pour des gens devant nous, tu vois, et ça change absolument tout. C'est-à-dire que déjà ton cerveau est capable de décrocher de ton instrument et machin, et tu rentres dans c'est une grande réunion, tu vois. Il y a plus cette espèce de barrière de ok, nous on est dans notre truc assez hermétique où on se sent protégé et tout, et en fait après tu la casses, t'es en mode non, je sais que c'est pour toi là que je vois là, et c'est pour toi aussi et machin, tu vois. Donc et ça c'est fantastique, parce qu'en vrai c'est la seule nous, on est en mission en vrai, tu vois. Nous là on était en résidence, on fait ça pour nous, machin, on essaie de satisfaire un peu notre ego créatif, mais en vrai la scène ça a rien à voir. Et là par exemple ça nous a fait bizarre, je pense, à tous, parce qu'on est là 8 jours enfermés à faire un truc pour nous, et d'un coup il y a des gens et t'es en mode ok, c'est en fait faut que je m'oublie là 2 secondes, tu vois, et c'est voilà. Merci à vous, et puis je vous souhaite bonne route encore, longue vie à Radio Zio. Mais oui, merci Zedoun. Oui, d'écouter House, sa putain de House, en effet, qu'il a même, au-delà de la chanson tatouée jusque sur la face, la maison de Zed Youn Pavarotti, l'artiste maison Saint-Étienne, ou presque en tout cas bien originaire de la région. Ici et là, désormais, Zed Youn et son groupe en interview, rencontre, c'était lors du Forestival 2023 avec Lucas, Hugo, Juliette, Romain et donc Charlan, alias Zed Youn, que vous avez entendu durant cette interview rencontre. Oui, véritable groupe, véritable bande aujourd'hui qui accompagne Zed Youn, qui est comme ça passé tranquillement du registre plutôt cloud rap, trap, à quelque chose de beaucoup plus rock pop, mais finalement des éléments un peu surprenant qui était déjà présent au-delà des genres et des esthétiques musicales. Vous avez pu entendre plusieurs titres durant cette interview, enfin trois titres exactement, House en version studio presque live fuzz à l'instant, Nobody Knows et Ce que la lune éclaire en toute ouverture d'entretien, des titres notamment issus donc de son dernier album, on le rappelle, et la deux mixtapes à son actif, hein, Grand Zéro et French Cash, que l'on suit depuis ses débuts, et puis premier album Bossaigne qui était sorti en 2020, et enfin l'album Encore qui est sorti en avril 2023 et qui a fait l'objet d'une réédition et version augmentée avec donc 4 à 5 nouveaux titres, comme je vous le disais, Maximal Edition, qui est sorti en cette année 2024. Voilà pour cette rencontre plaisir aux côtés de Zed Youn Pavarotti en 2023, Forestival 2024. Nous sommes à quelques heures et à J-2 maintenant de l'ouverture de cette 18e édition, à Trelin toujours, pleine du forêt, au cœur du forêt, avec encore, hein, je le disais, en ouverture de ce programme, un gros focus et local aussi, et programmation locale à Nomé Vein, Malaka, Bric Argent, Pomme, voilà Sound System, MC Pompi, qui sont donc également programmés dans cette 18e édition de ce Forestival, sur lequel nous n'allons pas revenir en détail pour toutes les infos, à la fois en termes de programmation, mais aussi peut-être autres éléments pratiques d'accès, de vie sur le festival. Et puis d'autres voilà, infos pratico-pratiques, et pour même peut-être les quelques dernières places, parce que le festival va quasi faire le grand plein pour cette 18e édition, mais je crois qu'il reste quelques places pour certaines soirées. N'hésitez pas à consulter les www.forestival.com. Nous allons quitter le Forez. Et oui, direction Douarnenez, le Finistère. On va tenter de respirer un peu mieux là-haut, en Bretagne. À l'automne dernier, nous étions partenaires du premier album de ce groupe finistérien, en terre en tout cas sainte finistérienne. Le premier album de Commodrag and the Moonodor, Green Fields of Armorica. Et oui, petit jeu de mots parce que les références America, on va dire ambiance rock, âge d'or, 70s, psyché et autres, complètement un marqueur musical et artistique de cette formation qui joue sur ampli à lampe, qui joue cet esprit et ce son très 70s en effet. Vous allez l'entendre, deux formations réunies en une, Commodrag and the Moonodor, qui a donc sorti ce premier album chez Dionysac Records, c'était le 20 octobre dernier. Cet album avait fait l'objet d'un partenariat renforcé sur notre antenne dans le cadre de nos partenariats Ferrarock, notre fédération nationale. C'était du 6 au 12 novembre dernier. Et bien l'occasion de se réécouter cette interview rencontre auprès de Commodrag and the Moonodor, alors que le groupe est attendu ce week-end. Ce sera ce dimanche 4 août, scène pleine à 21h50 dans le cadre de ce Forestival 2024. Et ce sera franchement le groupe attendu et on va dire le groupe plutôt à dominante rock, voilà, électrique, guitare, véritable formation. Ils sont 7 sur scène, même s'il y a d'autres éléments rock hein, au sein de cette programmation Forestival, mais je pense que celui-ci devrait envoyer gros. Commodrag and the Moonodor à découvrir sur scène dimanche au Forestival, et puis en interview rencontre d'ici un instant sur le 895 de Dio, interview réalisée par la Ferrarock il y a quelques semaines, mois de cela. C'est à suivre d'ici un instant dans ces sons sensibles de ce mercredi 31 juillet. 895, Dio. Mmh. c'était rendez-vous avec un méga band de fusion de Commodrag et Monundor, deux batteries, une basse, trois guitares survitaminées, un orgue Hammond et un micro partagé pour quatre voix, pour un disque entre 70s et psychédélisme qui nous plonge dans l'âge d'or du rock. Leur nouvel album Green Fields of Armorica vient de sortir chez Dionysiac Records. Et on retrouve directement Cédric de Fréquence Mutine sur ce projet des 7 mercenaires du rock. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux membres de Commodrag and the Moonodor pour la Ferrarock. Yves-Ma et Goudzou, bienvenue sur les antennes des radios associatives françaises. Salut. Salut. Vous êtes là pour nous présenter un album qui est sorti là ces jours-ci. Premier album pour vous, Green Fields of Armorica, du groupe Commodrag and the Moonodor, un mélange, la jonction de deux groupes bretons qui existent depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez, nous retracer en quelques mots la genèse, la conception de cet enfant bizarre qui est ressorti de tout ça? C'est pas un projet volontaire en plus à la base, ouais. On était juste hyper potes. On a commencé à jouer ensemble, en fait on a tourné ensemble d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Et à la fin de nos shows respectifs avec Moondrag, on avait toujours envie de se marrer et faire quelques reprises, on en faisait 2-3 en général. Et puis pendant le confinement, on s'est mis à composer des morceaux, puis on s'envoyait des titres à droite à gauche parce qu'il fallait bien passer le temps. Et puis on s'est dit que ce serait assez chouette d'avoir peut-être un projet annexe. Et à l'issue de ça, on avait fait 3 morceaux, on a fait une live session filmée pour le festival In The Moon Fest. Avec l'association Planète Pesto de Douarnenez. Cette session live était ultra qualitative et c'était pour autant au tout début du groupe. On a l'impression qu'il y a eu une osmose qui s'est faite dès le démarrage. Ouais, en fait, donc les morceaux ont été composés une semaine avant cette live session. Donc on a travaillé dans l'urgence absolue. En fait, à la base, pour le festival, c'était Moondrag qui était programmé. À cause du Covid, l'association a décidé de faire une live session, un peu comme dans le format KUXP, on peut dire quoi. Donc Moondrag, vu qu'ils venaient d'avoir KUXP avec les trans, du coup ils se sont dit bah tiens, est-ce qu'on ferait pas Commodrag and the Moonodor? On avait décidé du nom déjà, je pense. À l'époque, ouais, ça nous faisait marrer. Ça nous faisait marrer, ce nom-là, un peu imprononçable et que tu retiens jamais. Alors c'est marrant parce que le titre que vous avez interprété et qui a permis aux personnes de vous découvrir finalement, c'est ce Green Fields of Armorica qui est aussi le titre de l'album. Ouais. Est-ce que c'est ça qui définit un peu le groupe? Est-ce que c'est le leitmotiv? Armorica, Gastia. Est-ce qu'au démarrage, on s'est dit, je sais pas, le projet on le monte pour faire des concerts, pour sortir un album, pour se créer une vraie histoire de groupe, ou c'était plus genre du délire entre potes vu que chacun avait déjà ses groupes respectifs? C'était plus du gros délire entre potes en fait. C'était même pas prévu vraiment de base en fait. Ouais. C'est suite à la demande des trans qu'on a envoyé ça à Jean-Louis Brossard, ouais, qui nous a dit carte blanche, allez-y, je vous programme au hall là, et puis vous me faites un live quoi. Et on était là, c'est mortel, mais merde, on a 3 morceaux, quoi. On fait comment, quoi? Et en 6 mois, on a tout composé, appris les morceaux, et après on allait jouer ensemble, parce qu'on pouvait pas tout le temps se retrouver à 7 pour composer. Du coup, on travaillait souvent par équipe de 3, 4, et on a eu 2 répètes ensemble avant les trans, en fait, pour apprendre les morceaux ensemble, parce que c'était chaud quand même. C'était incroyable, parce que des fois on dit qu'il y a comme ça des rendez-vous qui sont un peu fondateurs pour des groupes, mais je crois que ce concert au trans, vraiment, là, on peut utiliser ce terme-là, parce que ça a été un moment incroyable. Est-ce que c'est ça qui, ce concert-là, là vous êtes dit, là c'est bon, c'est parti, il y a des choses qui vont se passer avec Commodrag and the Moonodor? Ouais, ça a été moteur, je pense, pour la suite de l'aventure, parce que je pense qu'à l'issue de ça, on a eu quand même pas mal de dates, et on n'avait même pas d'album, en fait. Donc je pense que c'est ce qui a été vraiment l'élément déclencheur du fait que le projet ait pris vraiment une autre dimension entre guillemets. Enfin, c'était pas seulement une date ou un one shot, on s'était dit on fait ce projet là, on fait les trans et puis ce sera très bien. Le projet a quand même vécu à l'issue de cette date en fait, donc je pense que ça a été un élément moteur en tout cas pour le projet, et puis même l'envie de faire un album aussi à l'issue de ça quoi. You live. vous êtes potes, hein, les gars de Commodore et Moondrag. Néanmoins, chacun a son univers propre musical. Et là, vous réunissez donc avec un projet qui est, je sais pas, qui va du rock au boogie rock, 70s, un peu psyché, mais il y a des choses aussi très mélodiques, très, très posées. Comment on arrive à trouver comme ça si rapidement, je sais pas, une osmose? C'est quoi la recette magique Beaucoup de teuf ensemble. Je pense que c'est tout ce qu'on peut pas faire avec nos projets respectifs, on le fait dans ce projet-là, en fait, un peu. Au final, c'est un alors peu là, tout ce qu'on aime. Alors là, j'ai une idée de riff ou un morceau, mais je peux pas du tout le mettre dans Moondrag, mais par contre, avec Commodrag, ça peut le faire. Ouais, on c'est se prive de rien, hein. En fait. On se prive de rien, même au trans, bon, on a un peu abandonné ce morceau, mais on avait commencé à faire un morceau un peu heavy, quoi. On l'a vite abandonné parce qu'on trouvait que ça collait pas. Mais... En tout cas, pour le concert des trans, il nous fallait une heure et demie de set. Du coup, il fallait qu'on compose, on compose. Et donc ouais, ça a été des longs moments ensemble, mais et pour de grosses réflexions aussi, parce qu'il fallait écrire les paroles. Donc fallait pas passer pour des glands en écrivant des paroles de merde, quoi. Fallait bien réfléchir. C'était beaucoup de travail, en fait. Et puis c'est 7 cerveaux en ébullition aussi pour les travails de composition, de réflexion. Alors ça peut être, j'imagine, un avantage parce qu'il y a plein d'idées qui fusent, mais ça peut être des fois aussi des freins parce que est-ce que vous êtes dans un fonctionnement démocratique, tout le monde doit s'entendre, ou alors c'est un truc, je sais pas. Un vote majoritaire, fin... C'est au vote, ouais, c'est au vote, mais on a quand même pas mal composé en pupitre, ce qui fait qu'on était en général 2-3, voire 3-4, grand maximum, et ça permettait aussi de pas avoir non plus trop d'idées à la fois, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une sorte d'émulsion un peu qui est géniale hein, d'une certaine manière, parce que ça donne plein d'idées, mais parfois on peut se perdre aussi un peu dans cet excès d'idées, on va dire, entre guillemets, quoi. Donc là, ça permettait un peu de tempérer, de bosser avec chacun, on enregistrait, on s'écoutait, on disait tiens, ça marche pas, tiens, moi je propose ci, je propose ça. Et je pense que c'est ce qui a permis aussi au projet de voir un peu le jour. Mais c'est vraiment, je trouve, la dimension du projet a vraiment pris une autre tournure à partir du moment où on est rentré en studio et qu'on a vraiment composé les morceaux. Parce que c'est là qu'on a pu aussi se rendre compte des choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas. Avant, en live, c'était un peu plus compliqué, qu'on n'avait pas le recul qu'on avait une fois qu'on est passé à l'enregistrement, en tout cas. Enregistrement à la maison, hein, ouais. On est aussi bien servi par soi-même, des fois, parce que toi, Gouzou, t'as monté un studio où t'as l'habitude d'avoir tous tes potes qui viennent régulièrement. Et donc du coup, le fait d'être à la maison aussi, on prend plus le temps, on peut retoucher les choses. Il y a tout de suite un truc de confiance et naturel qui s'installe. Ouais, et puis on est habitué maintenant à travailler comme ça aussi, surtout avec Commodore. Mais le fait d'être à la maison, on se prive de rien non plus, on peut bosser jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Boire des petits verres. Exactement. Ouais, boire des verres, voilà. Bien manger aussi, parce qu'on est quand même très très bien lotis avec Jean-Louis et Marie-France qui nous entretiennent à merveille. On les remercie d'ailleurs. Marie-France qui est à l'honneur, hein, parce que c'est le premier titre de l'album. C'était aussi un morceau qu'on retrouve sur un single qui est sorti avant l'été, qui était un petit peu annonciateur de ce disque qui est là, disponible et qui sort chez Dionysac Records en format vinyle et CD. Il y a un vinyle vert, vinyle noir. Je crois qu'il n'y en a pas trop en plus. Il faut se dépêcher si on veut l'avoir. Ils sont très limités. Et puis voilà, alors comment on pourrait le définir cet album-là, ce 8 titres? Il est comme assez varié. On retrouve justement un peu le set que vous avez défendu sur les trans. C'est après les trans. Exactement, ouais, c'est ça. C'est le set, c'est quasiment les mêmes morceaux. On les a juste étoffés. Il y en a certains qu'on a un peu étoffés en studio. Et Marie-France, on l'a pas fait aux trans. Ouais. Marie-France, on l'a composé en studio. Et d'ailleurs, ça a été le morceau décisif sur l'album, parce que quand on avait enregistré tous les morceaux, il nous manquait un ou deux morceaux en fait pour avoir les 40 minutes qui tiennent sur le vinyle. Et du coup, on a jamé un soir un peu bourré. Et là, on s'est rendu compte du son qu'on avait. Alors, on était en transe totale pendant qu'on jouait ce morceau. On l'a composé en 3-4 prises. Et du coup, le lendemain, on a réécouté tout ce qu'on avait fait avant. Et on a dit, c'est de la merde, on refait tout. Et on a tout réenregistré, les basses, battes et orgue. Parce qu'il fallait coller la membrane du micro, chose qu'on n'avait pas fait avant. Avant, on jouait un peu trop soft. Et là, on avait décidé de monter les amplis. Et la wash, quoi. Bah, on en profite pour faire coucou à Marie-France. Ouais. Salut maman. We'll be right back. qui est fort avec Common Drag and the Moon Odor, c'est qu'on a complètement l'impression de replonger dans un concert mais pur, ouais, boogie rock années 70. On a pas, enfin, c'est comme si on faisait un saut en arrière de quasi 45 ans, 50 ans. C'est incroyable. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans des codes vraiment musicaux? Il y a aussi les, je sais pas, peut-être le backline qui est vintage. Il y a tout. Enfin, comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est aussi peut-être l'approche même du, tu vois, du concert, du live? C'est une volonté d'être justement le plus authentique à ce qui se faisait à cette période-là, ou c'est juste du feeling? C'est ce qu'on aime, je pense. Ça s'est fait assez naturellement, du coup. C'est du feeling plus que du feeling, ouais, je pense. Alors il y a le backline qui joue beaucoup aussi, parce qu'on est des gros fans de matos vintage, et donc bah, quand t'as un vieux Fender ou un vieux Custom, bah, tu peux pas avoir le son d'un ampli de maintenant. Moderne quoi. Et donc ouais, je pense que ça a été une ligne directrice aussi d'avoir ce genre de matos, mais aussi on est passionné par cette époque, par la musique, par le style, par l'art en général, pas forcément pour les méthodes de vie de l'époque non plus, mais ouais, je sais pas, c'est un truc qui nous fait vivre et qui nous passionne. Moi, je me faisais la réflexion aussi. C'est vrai que depuis quelques années, on a la sensation que les groupes ils se réduisent en nombre de personnel, de musiciens, soit pour des raisons économiques, soit pour des questions de style musical, tout simplement, parce qu'il y a des machines qui compensent, tu vois, qui remplacent des vrais musiciens faits de chair et d'os. Et puis là, du coup, d'avoir 7 musiciens, 2 batteries, tu vois, des gens qui tournent, plusieurs chanteurs, on a peut-être plus l'image de ces, tu vois, de ces grands groupes de rock, orchestres de rock, justement, des années 70, où ben, il y avait du monde sur scène. C'est ce qui nous fait vibrer quand on regarde des vieux lives, que ce soit Lynyrd Skynyrd, des gros big, enfin des gros bands à l'époque, même les Allman et tout. Eagles, tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se passe scéniquement. Il y a une certaine énergie, je trouve, que les machines ont du mal à reproduire aujourd'hui. Bah après, je pense que vu que c'est la norme, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Mais ce qui est assez marrant, c'est de voir l'étonnement des gens quand ils viennent en live. Et en général, ils se prennent une petite claque et c'est sympa, parce que je pense qu'ils vivent à travers des vidéos ou des reportages sur de cette époque-là. Et au final, on essaye de retranscrire un peu ce qu'on aurait aimé vivre à cette époque, mais on est né un peu tard du coup. Mais on essaye en tout cas un maximum de reproduire, enfin, oui, même avec notre style en tout cas, de reproduire ce qui se faisait à l'époque en tout cas. Et du coup, vous avez un public hyper large, parce que ça va des plus jeunes à des gens qui ont passé la soixantaine et qui replongent en enfance. C'est quoi les retours que les gens vous font là, à la fin des concerts? Alors, quand c'est les plus jeunes, ils n'ont jamais vu ça. Alors ouais, peut-être dans des vidéos et encore. Et quand c'est des plus anciens, bah, ils nous remercient, parce que ça leur refait vivre une époque que nous on n'a pas connue, mais qu'on idolâtre un peu peut-être, même sûrement. Mm-hmm. Ce qui est très cool, c'est que les jeunes sont vraiment sur le cul des fois de nos concerts, quoi, parce qu'ils n'ont jamais vu un vrai concert de rock. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça pour la plupart. Ouais. Ça, c'est marrant leur réaction d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a un rapport aussi au fait qu'on soit pas non plus très vieux. Je pense qu'il se dit, il y a des jeunes qui font ce genre de choses, ça les étonne un petit peu, quoi, je pense. Puis après, je pense qu'on est en France aussi, que c'est moins répandu que dans certains pays d'Europe, en tout cas. C'est pas non plus innocent, le choix de cet artwork, de ce visuel. On vous voit tous ensemble sur une scène. Là aussi, ça rappelle finalement les années 70, parce qu'actuellement, il n'y a plus vraiment de groupe à sortir des pochettes, on va dire, avec des configurations live. C'est justement pour marquer l'importance de que ça représente pour vous les concerts et de tourner. Clairement. La pochette, elle a été créée dans l'esprit de tous ces groupes un peu rock sudiste, un peu à la Allman, ce genre de choses, où ils sont très nombreux sur la pochette. En général, c'est des photos d'eux. Et on trouvait ça assez marrant de mettre un projet de live, parce que le groupe, c'est l'essence même du groupe, en fait, le live. Donc, je pense qu'on a voulu créer une pochette qui nous ressemblait. Je pense qu'elle avait une image de live. En plus, c'était un live chez nous, donc à Douarnenez. Une raison de plus de mettre cette image. Le artwork, après, ça a été réalisé par notre batteur, un de nos deux batteurs, Ricky, qui a fait un formidable travail. Et sur cet album, il y a aussi du slow. Et notamment un clip qui est sorti il y a quelques temps, It Could Be You, super chouette. Ce slow là, chaque fois qu'on est en concert, il fait dresser les poils de l'avant-bras. On a l'impression de vivre un autre moment, et c'est un peu construit comme ça, j'ai l'impression. Votre concert, il y en a plein de tableaux différents en fait qui se succèdent. C'est quelque chose que vous vouliez aussi, c'était quand même une forme de volonté de notre part, parce que qu'on est nombreux sur scène, déjà on est 3 guitaristes, il y a vraiment de la place, je pense, pour chacun. Et là, du fait que Méline par exemple fait de la 12 cordes acoustique, il a de la place, il y a des moments où il joue vraiment tout seul, et ça permet d'apporter énormément de dynamique dans le set aussi, je trouve. Du fait qu'il y a des fois, pour ma part, il y a des fois où je joue pas, je regarde mes potes jouer, je trouve ça hyper cool, et ça permet, t'arrives sur un moment, tu joues, tu donnes un coup de grade, bam, ça monte, et puis chacun fait un peu ce taf là, Et je trouve ça hyper sympa parce que du fait d'être nombreux, on a une grosse grosse dynamique. Il y a des moments où on joue tous ensemble et là ça pète. Il y a des fois où ça redescend. Et je pense que ce qui donne l'énergie d'un live aussi, c'est cette dynamique où des moments où on est vraiment à fond, des moments où on est très calme. Ça permet aux gens aussi de souffler un petit peu et parfois de prendre un boulet de canon dans la tronche aussi. Ouais, et puis donner le plus d'émotions possible en fait pendant un live. D'avoir envie de pleurer, d'avoir envie de gueuler, d'avoir envie de foutre la merde dans un pogo. Nous, on est touchés par ce genre de choses aussi quand on écoute des disques des années 60-70. Moi, j'ai l'impression que c'est Commodrag and the Moonodor, c'est comme si c'était le meilleur des deux groupes réunis en un seul groupe. C'est-à-dire le meilleur de Moondrag et le meilleur de Commodore, même si vos styles sont différents et respectifs. Et c'est comme si vous avez pris le meilleur des deux pour en faire un ensemble. Et donc, du coup, ça démultiplie la qualité du truc. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai depuis le démarrage. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Pas vraiment. Pas pour l'instant, non. On fait ce qu'on aime, mais tu n'es pas le premier à nous dire... ça en tout cas, donc c'est quand même hyper chouette, on est très content de ça. Après je pense qu'on fait ce qu'on aime, on est plein donc on a plus d'idées aussi j'imagine. Chacun a son moment en fait dans Commodrag et du coup ça permet d'identifier chaque personne du groupe aussi, qu'il n'y a pas forcément, ben là je parle pour Commodore, mais Commodore c'est plus un groupe, on est pratiquement tous frontaux et du coup là ça permet d'avoir une autre dynamique aussi dans le set, de ne pas avoir tout le temps les mêmes chanteurs, que le frontman ne soit pas tout le temps en frontman, il y a du mouvement quoi. Et du coup je pense que ça permet au public de se mettre à la place plus de chaque musicien et de trouver sa place dans le set quoi. Et c'est un peu le scénario du clip justement de voilà. It Could Be You, on vous laisse aller le découvrir. Est-ce qu'il y a des thèmes forts qui ressortent, parce qu'on parlait un petit peu du début du groupe, il y a eu la question de mais maintenant il faut écrire des textes, c'est bien de faire la musique mais il faut écrire des chansons, est-ce qu'il y a des thèmes forts qui ressortent quand vous mettez avec un peu de recul à l'écoute du disque que vous avez enregistré, ou c'est plein de petites scénettes C'est un amour profond pour la Bretagne. Exactement, oui. On trouvait ça assez fun, vu qu'on vient des États-Unis d'Armorique, de s'approprier le sujet. C'est quoi la Terre Sainte Finistérienne, c'est ça? Exactement. Ouais. Même si. Même si y a le 2-2 qui rentre en Armorique. Un petit peu. Ils sont tolérés, quoi. Bah, ouais. Ils font partie des États-Unis d'Armorique, quoi, quand même. Donc bon. On est majoritairement du 2-9, quand même. Exactement. Et les gens sont capables d'adhérer à ça, non? Vous pensez pas, le public pourrait très bien avoir, du fan club armoricain qui se dessine, non? Ouais, c'est les Armoricains Gastia, quoi. C'est clairement le projet. Avec des perfs en cuir et des pages en dos, quoi. Ah ouais, carrément, genre... une communauté, quoi. Ouais, comme la Turbo Jugend, quoi, mais en version armoricaine. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Mais avec un guicotène. Ça aura plus de sens en tout cas. Merci beaucoup, longue vie à vous et bonne route. Ciao, merci. Bye. Salut. Et oui, un extrait du Dig Dig Diggers, notre programme Fera Rock mutualisé et collectif de novembre dernier, alors que nous étions partenaires toute cette semaine-là, du 6 au 12 novembre 2023, de la sortie de cet album de Commodrag and the Moonodor, Green Fields of Armorica. Vous l'avez entendu, ce groupe qui nous provient de Douarnenez, de la Terre Sainte Finistérienne, des États-Unis d'Armorique, comme ils viennent de le dire. Voilà, l'album est sorti le 20 octobre dernier, Green Fields of Armorica, et le groupe est en concert. C'est aussi le prétexte à diffuser, rediffuser cette interview rencontre en concert ce dimanche. Ce sera à 21h50 du côté de Trelin, de la Seine-Plaine, dans le cadre du Forestival 18e édition, ce dimanche 4 août, donc pour Commodrag and the Moonodor, le grand groupe rock attendu sur cette édition 2024, même s'il y en a d'autres, mais le rock est plus ou moins présent tout de même sur cette édition 2024. Et puis nous allons terminer ce programme, ce dernier. Dernière session, dernière édition là de ces sons sensibles de cet été 2024, en ce dernier jour de juillet. Eh bien, on va terminer encore en musique et en guise de générique de fin avec une autre grande formation attendue dans un autre registre cette fois, c'est du côté du reggae, avec le fameux groupe jamaïcain des Congos qui seront en concert aux côtés des Gladiators. Mais alors voilà, autre... finalement aussi autre originalité, hein, parce que autant les Gladiators sont finalement aussi une sorte de groupe, certes fidèle en plein héritage, le fils d'Albert Griffiths, leader du groupe, mais ce n'est pas la formation originale, alors que pour les Congos, c'est véritablement le trio, emmené bien sûr par Cédric Maiton, aux côtés de Congo Ashantiroy, Dale Anthony Johnson ou encore Wattie Burnett. Et oui, les trois vétérans sont bel et bien encore vivants et seront bel et bien là. Et grand plaisir de les voir ou revoir. Ce fut mon cas, moi, début des années 2000 ou fin 90. Bien voilà, de retour pour ce groupe qui a enregistré ce fameux album culte Earth of Congos, enregistré au Black Ark Studio, les studios. Feu studio de Lee Scratch Perry en 77 avec tout simplement une formation et un groupe d'accompagnement de prestige, hein. On retrouve Ernest Ranglin à la guitare, on retrouve Sly Dunbar à la batterie, Boris Gardiner, Geoffrey Chung à la basse, des participations vocales de Gregory Isaac, des Meditations et j'en passe, et aux percussions surtout, puisque c'est aussi le cœur, précisément Earth of the Congos, Uzziah Stickie Thompson, Scully Sims, bref. À retrouver donc les Congos, ce sera ce samedi 3 août à partir de 17h sur la scène du Mont avec les Gladiators. 17h samedi 3 août, scène du Mont, dans le cadre du Forestival 18e édition. Alors on va terminer avec les Congos et un titre issu précisément de cet album cultissime. J'espère pouvoir en parler et reparler avec eux, avec interview sans doute en tout cas prévue sur ce week-end. L'album a fait l'objet de rééditions multiples, on en a parlé aussi sur cette antenne à multiples reprises par le fameux label anglais Blood and Fire, fin des années 90, en 96 me semble-t-il, avec tout le bon travail de Steve Barrow. Et puis au 40e anniversaire aussi de cet album, cultissime, Earth of the Congos, c'était en 2017. On va écouter Fisherman, voilà, retour aux sources, retour aux frais, pêche, cueillette et nature. Profitez bien de à la fois ce titre, de cette belle journée, de cette fin de semaine, de ce festival, d'autres propositions tout l'été, en tout cas de votre été. On vous souhaite un bel été, on se retrouve à la rentrée. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. escalier in Seaport Town. What you